À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, vient d'être constitué le comité préparatoire de l'Association générale des Coréens en Chine pour célébrer significativement la journée du soleil comme fête la plus heureuse de la nation. Le comité préparatoire a décidé d'organiser diverses cérémonies comme rassemblements au niveau central, expositions de photos et de livres, séances de films et représentations artistiques à l'éloge de la brillante vie révolutionnaire et les exploits immortels du président Kim Il-sung à l'occasion de son jour de naissance.